بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد On va essayer, inshallah تعالى, aujourd'hui, de finir donc ce livre de la prosternation de l'oubli. On était arrivé au hadith numéro 1229 à la page 40. À la page 40, pour ceux qui ont le manuel à l'endroit. Ah, quoi que, mais ça change pas, même pour ceux qui... Voilà. Attention, il y a certains, donc ceux qui ont récupéré les manuels aujourd'hui, les manuels, ils sont à l'envers. C'est toujours la page 40, mais vous n'allez pas tourner les feuilles de droite à gauche, ça sera de gauche à droite. Et donc, on est arrivé au hadith de Zuliyadeyn. Le hadith durant lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a accompli deux unités de prière. Il a accompli deux unités de prière, puis il a fait le salam, le taslim, en pensant qu'il avait terminé la prière. Et il y a dans ce hadith deux points que je voudrais citer. Premièrement, il est cité dans la narration, la dernière narration qu'on a vue hier. Il a dit « Wa fihim Abu Bakrin wa Umar radiyallahu anhuma » Il y avait parmi eux, parmi ceux qui ont prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait Abu Bakr et Umar. Et même, certains savants disent, il y avait aussi Abu Huraira. C'est Abu Huraira qui rapporte cette histoire. C'est lui qui la rapporte. Et donc ils disent, الظاهر أن أبا هريرة كان موجودا. Ce qui est apparent, c'est que Abu Huraira, il était présent. Il a assisté. Et donc on a, عندنا Abu Bakr wa Umar. وَهُمَا أَفْضَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ Et donc parmi les gens qui ont assisté, il y avait Abu Bakr et Omar qui sont les meilleures personnes de cette communauté. Il y avait Abu Huraira, min ulama al-sahaba. Abu Huraira qui fait partie des savants parmi les compagnons. وَتَكَلَّمَ ذُلْيَدَيْنِ Et ذُلْيَدَيْنِ il a parlé. Lorsqu'il a vu la nécessité de parler, il a parlé. Alors qu'il ne fait pas partie des grands. Il ne fait pas partie des grands. Mais il a parlé par rapport à la nécessité. Et cela nous montre encore une fois le danger qu'il y a aujourd'hui quant à de nombreuses personnes qui vont inventer des règles dans la religion. Je vous ai déjà cité qu'auparavant, pour égarer les croyants, les innovateurs ainsi que les ennemis de l'islam inventaient des hadiths. Ils inventaient des hadiths pour tromper les gens. Aujourd'hui, ils inventent des règles. Et donc, ils nous disent, les étudiants ne peuvent pas parler. Les étudiants ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas montrer aux gens. Ce ne sont que les savants qui parlent. Et certes, on a déjà abordé ce sujet. Je l'avais déjà détaillé. Et aujourd'hui, on va juste faire une ishara. C'est-à-dire, on va juste montrer légèrement le sujet. Et donc, il faut faire très attention à cela, à ces règles inventées. Il n'est pas imposé que les étudiants doivent se taire. S'il y a une réalité à montrer, alors ils le font. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu » Celui d'entre vous qui voit un mal alors qu'il le change, avec sa main, avec sa langue, avec son... et s'il ne peut le faire, alors avec son cœur. Et cela englobe les savants, les étudiants, cela englobe tout le monde, toute personne qui a la capacité, en fonction de ses capacités. Wa aidan fi hadha al-hadith anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lamma qala lahu dhulyadayn anasita am qasurat. Dhulyadayn, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu as oublié ou alors la salat elle a diminué? Le prophète il a dit lam ansa wa lam tuqsar. Il a dit, je n'ai pas oublié, et la salat n'a pas été diminuée. Yustafadu min hadha anna an-nasi la yusafu bil kadhib. On profite de cela que celui qui a oublié, on ne le traite pas de menteur. On ne le traite pas de menteur. Aujourd'hui, si tu oublies quelque chose, mashallah, kadhab wa ish, wa. Celui qui a oublié, on ne le traite pas de menteur. Et donc, ces deux points-là, Je ne vais pas non plus faire trop long par rapport à ceci, parce qu'il nous reste quand même 6 hadiths à voir ce soir. Et vous venez de terminer un cours qui était relativement long. Et donc, on va passer au hadith suivant, à la page 42. Donc, on avait déjà vu les règles liées au hadith de Zuliyadeen. Révision rapide. Révision très rapide. On avait vu différents jugements concernant la prosternation de l'oubli. On avait vu donc l'avis de l'imam Abu Hanifa qui voit que la prosternation de l'oubli, elle se fait... Avant ? Abu Hanifa ? Ça, c'est Shafi'i, ça. Abu Hanifa, il voit que la prosternation de l'oubli se fait tout le temps après le taslim. Et Shafi'i, il voit que la prosternation de l'oubli se fait tout le temps avant. El Malikiya et Tafsil. Si tu as rajouté quelque chose dans la prière, c'est après. Si tu as diminué, c'est avant. El Zahiriya, tu ne peux faire que ce qui a été cité dans la Sunna. El Hanabila, ce qui a été cité dans la Sunna, tu le fais avant ou après, en fonction de ce qui a été cité dans la Sunna. Et ce qui n'a pas été cité dans la Sunna, alors ça sera tout le temps avant. Ça sera tout le temps avant Taslim. Et le dernier avis, l'avis de Ishaq, le mélange entre l'avis de Malik et l'avis de Ahmed. Et donc, on a déjà vu ce sujet plusieurs fois, on continue donc ce soir. Il nous dit l'imam al-Bukhari, wa haddathana Qutayba ibn Sa'id, qala haddathana al-Layth, an ibn Shihab, an al-A'raj, an Abdillah ibn Buhayna al-Asdi, حليف بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه ما كان ما نسي من الجلوس تابعه ابن جريج عن ابن شهاب في التكبير. Et donc, l'imam al-Bukhari, il nous cite cette chaîne de transmission jusqu'à Abdullah ibn Buhayna. Et, yarhamukallah, et ce hadith, il est muttafaqun alayh, cité dans le recueil d'al-Bukhari et de Muslim, qui stipule que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est levé de la prière du Dhuhr après avoir accompli 2 unités de prière, alors qu'il avait... Il n'a pas fait le tashahhud, il ne s'est pas assis pour le tashahhud. Et lorsqu'il a fini sa prière, alors il a accompli 2 prosternations, les prosternations de l'oubli, fakabbar, et il a alors fait le takbir pour chaque prosternation, en étant assis avant de faire le taslim. Et les gens se sont prosternés avec lui, à la place de l'assise qu'il avait oubliée. Et donc la prosternation de l'oubli, elle remplace donc l'assise que l'imam a oublié. Ce hadith, c'est une preuve pour qui ? Shafi ? Il a dit que avant Taslim. Shafi est qui ? Malik. Shafi est Malik. Pourquoi Malik ? Parce que ici c'est un ox. Barakallahu fikum. Et donc ici le prophète, il a oublié quelque chose, et donc ici c'est un ox. Et ce sujet, on l'a déjà abordé. On ne va pas donc faire trop long. Le hadith suivant à la page numéro 44. Babu, idha lam yadri kam salla thalathan aw arba'an, sajada sajdatayn wa huwa jalis. Le chapitre, lorsqu'il ne sait pas combien d'unités il a accompli, 3 ou 4, il se prosterne en étant assis. البخاري المدي وحدثنا معاذ ابن فضالة قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله دورات حتى لا يسمع الآذان فإذا قضي الآذان أقبل فإذا ثوب بها أدبر فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر حتى يضل الرجل إن يدري كم صلى فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. Et donc il nous cite la chaîne de transmission jusqu'à Abi Hurayra radiallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: lorsque l'appel à la prière est fait, alors Shaitan s'éloigne en ayant des gaz, afin de ne pas entendre le Adhan. Et lorsque le Adhan est terminé, alors il revient. Et lorsque l'Iqama est fait, alors il s'éloigne. Puis lorsque l'Iqama est terminé, alors il revient, afin de venir entre l'homme et son âme. Et il dit: rappelle-toi de ceci, rappelle-toi de cela, de ce que l'homme ne se rappelait pas, jusqu'à ce que l'homme ne sache plus combien il a prié. Et si l'un d'entre vous ne sait pas combien il a prié, 3 ou 4 unités, alors qu'il accomplisse 2 prières, qu'il accomplisse 2 prosternations en étant assis. En étant assis. Et donc, ce hadith, il est quand même très important. Particulièrement que Shaitan ne nous laisse pas tranquilles. Nous pouvons tous être touchés par cela. Le fait que Shaitan vienne pendant ta prière, quelque chose que tu avais oublié, tu t'en rappelles pendant la salat. Cela te distrait et tu oublies combien d'unités de prière tu as fait. فَرَأَيْنَا سَابِقًا مَا يَتَعَلَّقُ بِسُجُودِ السَّهْوِ عِنْدَ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ. On a vu précédemment les jugements liés à la prosternation de l'oubli lorsqu'on rajoute quelque chose dans la prière ou lorsqu'on diminue cette prière. الْيَوْمْ الشَّكْ. Aujourd'hui, on va voir le doute. Le doute. Quels sont les jugements liés au doute ? ينبغي أن يعلم أن الشك له حالتين. Premièrement, il est important de savoir que le doute a 2 situations. Le doute a 2 situations. أولا يمكن التحري فيغلب على الظن أحد الأمرين. Premièrement, c'est qu'il est possible de vérifier et de chercher et que l'individu aura un avis plus prépondérant. Je doute. 3 unités ou 4 unités, je ne sais pas. Mais je pense plus que celle-ci, c'est la quatrième. Il a un avis qui est plus prépondérant par rapport à des situations qu'il y a eu pendant la salat. فَهَذِهِ الْحَالِ يَبْنِي عَلَى الظَّنِّ الْغَالِبِ. Et donc dans ce cas, l'individu va se baser sur cette pensée qui est prépondérante. Sur cette pensée qui est prépondérante. ثُمَّ يُسَلِّمْ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ. Et ensuite, donc la personne, elle continue sa prière, elle se base sur cette pensée qui est prépondérante. Lorsqu'elle finit sa prière, elle fait le taslim et elle accomplit 2 prosternations de l'oubli après le taslim. C'est important, je le précise, après le taslim. Mais huwa ad-dalil, quelle est la preuve ? أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا شك أحدكم في الصلاة فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. Ensuite, donc, le prophète صلى الله عليه وسلم, il a dit, comme dans Sahih al-Bukhari, selon ibn Mas'ud رضي الله عنه, il dit: lorsque l'un d'entre vous a un doute concernant sa prière, alors qu'il cherche la vérité. Tu as un doute. Alors qu'il cherche la vérité. Puis qu'il se base sur celle-ci. Il se base sur cet avis. Puis il se base sur cet avis et il finit sa prière. Puis qu'il fasse le taslim. Thumma liyusallim. Donc, puis qu'il fasse le taslim. Puis qu'il accomplissent 2 prosternations. Deuxièmement, deuxièmement, c'est un doute et tu n'as aucun avis qui est prépondérant. J'ai accompli 2 unités ou 3, Allahu a'lam, je ne sais pas du tout. Perdu totalement, je ne sais pas. À ce moment, et donc, à ce moment-là, la personne, elle se base sur la certitude. Tu ne sais pas si tu es à la troisième ou la quatrième. Tu ne sais pas du tout. Tu te bases sur la certitude. Qu'est-ce que la certitude ? Le moins. Le moins. Le minimum. Pourquoi ? Parce que c'est ça que tu es sûr que tu as fait. Dans tous les cas, je doute. Est-ce que c'est 3 ou 4 ? Je me base sur le 3. Parce que dans tous les cas, je l'ai fait. La preuve de cela, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le Sahih de Muslim, selon le hadith de Abi Sa'id ibn al-Khudri radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِي عَلَى مَسْتَيْقًا ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمْ » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, comme dans le recueil de l'imam muslim, selon Abi Sa'id al-Khudri, si l'un d'entre vous doute durant sa prière, et il ne sait pas combien il a accompli, 3 ou 4 unités, alors qu'il rejette le doute, et qu'il se base sur ce sur quoi il est sûr, puis il accomplit 2 prosternations avant le taslim. Il accomplit 2 prosternations avant le taslim. Et donc, quand tu ne sais pas du tout. Quand tu ne sais pas du tout, 2 ou 3, tu fais quoi ? 2. Tu fais le minimum. Minimum. Et après, à la fin de la prière ? Tu fais 2 prosternations. Avant le taslim. 2 prosternations avant le taslim. Lorsque tu sais, 2 ou 3, mais tu as un doute, mais il y a un doute qui est prépondérant. Tu fais quoi ? Minimum. Tu te bases sur ? Le minimum. Non. Le maximum. Non. Tu œuvres avec ce doute qui est prépondérant. Tu œuvres avec ce doute qui est prépondérant. Et à la fin de la prière, taslim, et donc, et après le taslim, on fait les 2 prosternations. Alhamdulillah. Mas'alatun. Et donc une question. Des questions. Rajulun shakka fi salatihi wa lam yadri wa lam yatamakkan min at-tarjih fa bana 'ala al-yaqin. ثم في الركعه الاخرى استيقن انه لم يخطئ فهل يسجد للسهو او لا لانه زاد في الصلاه non. Et donc la question, un homme, il doute durant sa prière, il ne sait pas combien il a accompli, combien d'unités il a fait, et il n'a pas la possibilité d'avoir un avis plus prépondérant. Je ne sais pas du tout. Alors il se base sur la certitude. Exemple, entre 3 et 4. La personne doute entre 3 et 4 unités. Il ne sait pas du tout. Il se dit, je me base sur Al-Yaqin. Je me base sur Al-Yaqin, c'est-à-dire 3. Il continue sa prière. Il arrive à la 4e unité. Et lorsqu'il arrive à la 4e unité, là, il se dit, khalas, c'est bon. Je suis sûr. Je suis sûr, celle-ci, c'est la 4e. C'est bon. Je ne m'étais pas trompé. Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il doit faire ce jour de sahw ? Parce qu'il a douté, non. Ou alors il ne le fait pas, parce que maintenant là il est sûr. S'il a dépassé, il doit le faire. En fait, quand il se lève, c'est la 4e. Quand il se lève pour prier. Quand il se lève pour prier, c'est la 3e. Et il doute, est-ce que c'est la 3e ou la 4e ? Ouais. Alors il se base sur la certitude. Il dit, c'est la 3e. Mais après, par la suite, il avère qu'il avait raison. Et il en est sûr. Alors il fait quoi ? Bah, il prie pas, il prie normal. Il prie pas. Il fait pas ce jeu de sahou. Il fait pas ce jeu de sahou. Parce qu'il a fait la 4 rak'at. 4 rak'at, ça c'est l'avis. C'est rappelé qu'il fait 4 rak'at. Et donc ça c'est un avis. Les sahou n'a chèque. Et donc là il a fait ce jeu de sahou. Et donc ça c'est un sujet de divergence entre les savants. Le Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il nous dit le mieux est qu'il se prosterne. Pourquoi ? Ils disent, les savants, parce qu'il a accompli certains piliers de sa prière en ayant un doute. Il a accompli certains piliers ou certaines obligations de sa prière en ayant un doute. Et donc, il faut, pour combler ce doute, il faut une prosternation de l'oubli. Et il dit aussi, Hua ahwat, c'est plus sûr. C'est plus sûr. Tayyib ? ينبغي أن يعلم أن السجود في حق المأموم تابع للإمام. Un point important. Une fois qu'on a compris les divergences, etc., liées à la prosternation, maintenant on arrive à un autre sujet, c'est que cette prosternation, elle concerne, cette prosternation de l'oubli, Concernant le ma'moum, c'est-à-dire celui qui prie derrière l'imam, yarhamukallah, concernant son cas, là, il fait sujoud avant ou après. Là, il fait quoi, là? Lorsqu'il a eu un doute, son doute, c'était lié à quoi? Du manque. Hmm? C'était un doute où il ne savait pas du tout, ou c'était un doute où il savait? Voilà. C'est un doute où il ne savait pas du tout. Et donc, quand c'est un doute où tu ne sais pas du tout, voilà. Ok? Et donc, là, ma fille mouchkil. Mais attention, comme on a dit, hein, si la personne le fait après la salat, il n'y a pas de problème. La divergence ne concerne pas la licéité. Est-ce que c'est permis ou pas? Ça compte. La divergence concerne le fait, est-ce que c'est mieux ou pas? D'accord? Et donc, il faut savoir que tout ce qui est lié à la prosternation de l'oubli, il faut savoir que le ma'moum, celui qui prie derrière l'imam, il suit l'imam. Pourquoi? Parce que le Bukhari et le Muslim, ils ont cité un hadith selon Abi Huraira, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Innama ju'ila l'imamu liyu'tamma bi, fa la takhtalifu alayhi. » Certes, l'imam a été placé pour être suivi. Alors, ne vous opposez pas à lui. Ne le contredisez pas dans vos actes, dans la prière. Tes actes ne doivent pas contredire les actes de l'imam. Fa yaskutu sujudu sahwi 'anil ma'mumi min ajli mutaba'ati l'imam. Et donc, celui qui prie derrière l'imam, l'obligation d'accomplir la prosternation de l'oubli tombe, elle n'est plus présente si l'imam ne fait pas la prosternation de l'oubli. C'est-à-dire, tu pries derrière l'imam. Pendant que tu pries, tu te prosternes et tu oublies de dire « Subhana Rabbi al-A'la ». Tu te prosternes et tu dis une autre invocation ou tu ne dis rien du tout. Tu t'es prosterné, un peu fatigué, tu as oublié. Ensuite, l'imam, il dit « Allahu Akbar », il se lève, tu te lèves. Mince, je n'ai pas dit « Subhana Rabbi al-A'la ». Ceci est une obligation de la prière. Est-ce que tu fais ce jour de sahou à la fin de la prière? Non. Si l'imam, lui, ne fait pas ce jour de sahou, toi, tu ne le fais pas. Toi, tu ne le fais pas. Pareil, tu suis pour un pilier, non. Ça, c'est pour une obligation. Ça concerne une obligation. Et c'est pour cela que je vous ai dit, pour bien comprendre ce chapitre, il faut bien comprendre la différence entre les conditions de la prière, les obligations de la prière et les piliers. Si tu oublies un pilier, il faut absolument, quand l'imam il fait le taslim, que tu te lèves et que tu refasses ce pilier. Tu refais l'unité de prière. Par contre, tu oublies une obligation, c'est l'imam, à ce moment-là, cette obligation, elle est tombée. Cette obligation, elle est levée. « Wa in kana al-ma'mumu masbuqan » ونسي واجبا سجد للسهو بعد اتمام الصلاه لانه هنا انفرد عن الامام فلا يخالفه. Tandis que si la personne qui prie derrière l'imam, elle est arrivée alors que la prière elle avait déjà commencé, elle a raté une ou deux unités avec l'imam. Tu arrives, l'imam il a déjà fait une unité, tu arrives à la deuxième unité. Tu fais la deuxième unité de prière. Pendant ce moment-là, l'imam, il se prosterne, tu te prosternes avec lui et tu oublies de dire « Subhana Rabbi al-A'la ». Tu oublies de le dire. Tu continues ta prière, l'imam, il fait le taslim, toi, tu te lèves pour continuer parce qu'il te manque une unité. Tu es arrivé en retard. À ce moment-là, les savants, ils disent « À ce moment-là, tu fais ce jour de sahou à la fin. Pourquoi ? Parce que là, tu ne contredis plus l'imam. Là, tu pries tout seul. L'imam, il a fini déjà. Toi, maintenant, tu pries tout seul. À ce moment-là, tu fais la prosternation de l'oubli. D'accord? On fait la distinction entre la prosternation de l'oubli quand tu es avec l'imam et la prosternation de l'oubli quand tu es tout seul. Quand tu es avec l'imam, la prosternation de l'oubli, elle saute. L'obligation, elle saute. Quand tu es tout seul, il t'incombe d'accomplir la prosternation de l'oubli. In kana al-imam qad saha fa sajada lis-sahwi ba'd as-salat, hal 'ala al-ma'mum an yasjuda aydan? Si l'imam il a oublié. Et il s'est prosterné à la fin de la prière. Est-ce que le ma'moum, il se prosterne aussi? Masha'Allah. Ça, c'est pas mal. Ça, on va le voir, ça. Et donc, les savants, ils disent que à ce moment-là, la personne, comme il l'a dit notre frère, on fait la distinction entre plusieurs situations. Première situation, l'imam se prosterne. C'est lui qui oublie de dire « Subhana Rabbi al-A'la ». Toi, tu pries derrière lui, tu ne sais pas qu'il a oublié de dire quoi que ce soit. Tu ne sais pas. tu as compris ta prière, tu le suis. Et à la fin de la prière, l'imam, il fait le taslim. Excusez-moi. À la fin de la prière, l'imam, il fait la prosternation de l'oubli avant le taslim. Avant le taslim, là, il n'y a aucun doute que tu le suis. OK ? Là, tu le suis. Après le taslim, on fait attention à deux situations. Si tu finis ta prière en même temps que l'imam, alors à ce moment-là, tu fais le taslim avec lui et tu fais la prosternation avec lui. Ça, c'est si l'imam, il fait la prosternation après le taslim. Je répète. L'imam, il oublie. Il arrive à la fin de la prière. Avant le taslim, il fait la prosternation. Là, on fait tous la prosternation. La prière, elle n'est pas terminée dans tous les cas. Et donc, on se prosterne avec lui. Autre cas, l'imam, il arrive à la fin de la prière, il décide de faire la prosternation après le taslim. Il décide de la faire. À ce moment-là, on regarde. Est-ce que toi, tu finis ta prière en même temps que lui? Ou alors tu es arrivé en retard? Si tu finis ta prière en même temps que lui, tu fais la prosternation avec lui. Même après le taslim. Pourquoi? Parce que cette prosternation, elle est liée à la prière. Elle n'est pas distincte de celle-ci. Elle est liée à la prière. Et donc, tu fais ta prosternation avec lui. Mais maintenant, toi, tu es arrivé en retard. Tu es arrivé à la troisième unité de prière. À ce moment-là, l'imam, après avoir fait le taslim, il fait la prosternation. Toi, tu te lèves. Tu finis ta prière. Tu ne peux pas faire le taslim avec lui. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas? Excusez-moi, pourquoi est-ce que tu ne peux pas faire la prosternation avec lui? Parce que toi, tu n'as pas fait le taslim. L'imam, il a fait la prosternation après le taslim. Toi, tu n'as pas fait le taslim. Et tu ne peux pas le faire puisque tu dois terminer ta prière. Donc, tu te lèves et tu termines ta prière. Problème. Est-ce que lorsque tu as fini ta prière... Problème sur problème ce soir. Lorsque tu finis ta prière, est-ce que tu fais la prosternation comme il l'a fait l'imam ou pas? Voilà. Et donc, à ce moment-là, comme il nous a dit le frère tout à l'heure, il nous a dit, si tu es arrivé à un moment et tu as assisté à l'oubli de l'imam, à ce moment-là, vu que l'oubli de l'imam, il s'est passé pendant que tu priais avec lui, alors oui, tu fais la prosternation de l'oubli. On va dire que l'imam, il prie Dhahr. Il oublie et tashahoud al-awwal. Il oublie le premier tashahoud. Le premier tashahoud, c'est quoi? C'est obligation. Obligation, rukn, sunnah. Obligation. C'est une obligation. Le premier tashahoud, c'est une obligation. Il oublie donc une obligation. Toi, t'es arrivé, t'as vu ça. T'étais présent. À la fin, tu rattrapes ta prière parce que tu arrives en retard. Mais tu as assisté au fait que l'imam, il a oublié le premier tashahoud. À ce moment-là, ils vont te dire, tu te prosternes à la fin comme l'imam l'a fait. Pourquoi? Parce que tu étais présent quand il y a eu ce manquement dans la prière. Là, il va se prosterner avant le taslim. Comment? Là, il va se prosterner avant le taslim. Il va faire des... L'imam, c'est pas un problème ça. Qu'il se prosterne avant ou après, comme on a dit, ça c'est une question de... ce qui est mieux. Maintenant, toi, ils vont te dire, les savants, il t'incombe de te prosterner après. Il t'incombe de te prosterner, que ça soit avant ou après. Pourquoi? Parce que tu as assisté à ce moment-là. Mais tu l'aurais déjà fait normalement, et l'imam, tu l'aurais déjà fait avant. Non, ça c'est si. Moi, je te parle, si l'imam, il se prosterne après. D'accord. Parce que l'imam, il peut... Bien sûr. Il peut se prosterner après. Même si c'est une situation qui fait que tu se prosternes avant, l'imam, il décide de se prosterner après. Il le fait. Il n'est pas blâmable là-dessus. D'accord? À ce moment-là, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te prosternes aussi après. Ok? Hatta l'orbad et taslim. Mais maintenant, on arrive au cas où toi, tu arrives, tu n'as rien vu. Qu'est-ce que tu fais? Tu le demandes. Tu le demandes pendant la prière? Non, quand t'as fini la prière. Non. Ça arrive. En fait, là, le plus sûr, c'est que tu te prosternes aussi. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas. Il se peut qu'il ait oublié de faire une obligation, comme le fait de dire Subhana Rabbi al-A'la. Voilà, c'est ça. Pendant que tu étais là, tu ne sais pas ce qu'il a oublié, voilà, en fait. Donc le mieux, tu te prosternes et tu sors de la divergence. Tayyib. Dans le hadith suivant à la page 46, Babu sahwi fil fardi wa tatawwu'. Le chapitre lié à l'oubli, la prosternation de l'oubli, concernant la prière obligatoire et la prière surrogatoire. Et ensuite, il nous dit l'imam al-Bukhari, « Wa sajad ibn Abbas, radiallahu anhuma, sajdatayni ba'da witrihi. » Et certes, Ibn Abbas, il a accompli deux prosternations de l'oubli après avoir fait le witr. Après avoir fait le witr. Le witr qui n'est pas obligatoire. Ensuite, il dit le Bukhari, « Wa haddathana Abdullah ibn Yusuf, qu'ala akhbarana Malik, an ibn Shihab, an Abi Salama, ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. Et donc ici l'imam al-Bukhari il nous cite ce hadith qui est en réalité c'est une autre narration du hadith précédent. C'est une autre narration du même hadith qu'on vient de voir de Abi Huraira. Il est important de préciser cela, vous allez comprendre pourquoi. Et donc ici, Abu Huraira qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsqu'un l'un d'entre vous accomplit la prière, alors le shaitan vient à lui pour le perturber, jusqu'à ce que celui-ci ne sache pas combien il a prié. Alors, si l'un d'entre vous trouve cela, c'est-à-dire si cela se produit chez lui, alors qu'il accomplisse deux prosternations en étant assis. Pourquoi est-ce que le Bukhari il cite ce hadith ici, dans ce chapitre? Pourquoi est-ce que le Bukhari il cite ce hadith ici, dans ce chapitre? Le chapitre, la prosternation liée à la prière obligatoire et la prière surrogatoire. Barakallah fiqh. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ici, il n'a pas cité de façon spécifique que cela concerne la prière obligatoire. Il dit, « Iza kome yusalli »« Inna ahadakum iza kome yusalli » L'un d'entre vous, s'il se lève pour prier. Il n'a pas précisé prière obligatoire ou surrogatoire. Et donc, Al-Bukhari, il va utiliser ce hadith ici pour nous montrer que la prosternation de l'oubli concerne aussi la prière surrogatoire. Tu arrives à la mosquée, tahiyat al-masjid, pendant que tu fais tahiyat al-masjid, tu as oublié quelque chose, à la fin tu fais la prosternation de la discrétion, la prosternation de l'oubli. Cependant, il y a un problème. Il y a un problème. Si on médite par rapport à ce qui est cité dans cette narration et ce qui est cité dans la narration précédente, il y a un problème. Je le dis, on gagne du temps, on vous laisse chercher. Vous cherchez ? Dans la narration précédente. Normalement, si on oublie, on va faire la prière. Non. Là, tu es parti loin. Non. Il y a un problème ici quant au fait d'utiliser ce hadith comme preuve pour les prières surérogatoires. Non. Tu n'es pas loin. Parce que c'est cité dans la prière précédente, regardez, le prophète dans le hadith précédent, il dit « Iza nudiya bis salat adbara shaytan walahu durat » Lorsque le Eden est fait pour la prière, shaytan, il s'en va, il s'éloigne en ayant des gaz. « Hatta la yasma' al-Eden » afin de ne pas entendre le Eden. « Fa iza qudiya al-Eden akbel » Lorsque le Eden est fini, il revient. فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرْ Et lorsque l'ikama est accompli, shaitan il s'en va. فَإِذَا قُدِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْتِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ Et lorsque l'ikama est terminé, alors shaitan revient afin de venir entre l'homme et son âme. Et donc là, on parle d'une prière obligatoire ou surrogatoire. Voilà. Donc c'est après l'ikama là. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne cette explication et ensuite il dit que le shaitan, il vient perturber la personne pendant cette prière, etc. D'accord? Et donc ici, ce qui est voulu dans ce hadith-là, certains savants disent, c'est la prière obligatoire, non la prière surrogatoire. Mais malgré ça, Jumhur al-Ulema, ils nous disent, la majorité des savants, ils disent, sujud sahwi fil fardi wa nafila. La prosternation de l'oubli concerne la prière obligatoire et la prière surrogatoire. Pourquoi? لأن الأصل في الإحكام المتعلق بصفة الصلاة أنها تشمل الفرض والنفل إلا إذا جاء التخصيص أو الدليل ولا التخصيص. Car la base concernant toutes les règles liées à la description de la prière, c'est que ces règles s'appliquent à la prière surérogatoire et la prière obligatoire, sauf s'il y a une preuve qui vient montrer le contraire. Si une preuve est citée montrant que sujoud as-sahw, c'est que pour la prière obligatoire, à ce moment-là, on dira c'est que pour la prière obligatoire. D'accord ? Il n'y a pas de preuve, on applique pour tout ce qui s'appelle salat, tout ce qui s'appelle prière, obligatoire ou surérogatoire. Le hadith suivant, à la page 48. باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. Le chapitre concernant le fait que si quelqu'un s'adresse à lui pendant qu'il prie. Quelqu'un s'adresse à lui pendant qu'il prie. Il a donc fait un signe de la main et a écouté. Il nous dit le Bukhari wa haddathana Yahya ibn Sulayman qul haddathani Ibn Wahb qul akhbarani Amr an Bukair an Kurayb أن ابن عباس ومسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن أزرع ابن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وصلها عن الركعتين بعد صلاة العصر وكلها إنا أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. Et donc ici l'imam al-Bukhari il cite ce hadith qui est aussi muttafaqun alayh dans le recueil de al-Bukhari et de Muslim. Selon Kurayb qui nous dit que Ibn Abbas et Miswar ibn Makhrama et Abdurrahman ibn Azhar l'ont envoyé, ils ont envoyé qui ? Ils ont envoyé Kurayb. Voir Aïcha radiallahu anha et ils lui ont dit « Passe-lui le salam de notre part. » Ils ont dit à Kurayb « Passe à Aïcha le salam de notre part à tous et interroge-la concernant les deux unités de prière après la Asar et dis-lui que nous avons été informés du fait qu'elle accomplit ces deux unités de prière après l'Asar. » Et certes, il nous est parvenu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de le faire. Et le prophète, il a interdit de le faire et eux, il leur a été dit que Aïcha, elle le fait. Wa qala Ibn Abbas. Ibn Abbas, il dit wa kuntu adribu an-nas ma'a Umar ibn al-Khattab 'anha. Ibn Abbas, il dit je tapais les gens avec Omar concernant cela. C'est-à-dire que Omar, à son époque, quand il était gouverneur, il interdisait la prière après l'Asr. Et il frappait les gens qui voulaient faire la prière après l'Asr. Parce qu'il voyait donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela et donc que c'est blâmable de le faire. Quand fait quand la Kurayb il dit fadakhaltu ala Aisha radhiyallahu anha faballaghtuha ma arsaluni. Et donc je suis rentré, je suis allé voir Aisha radhiyallahu anha et je l'ai informé de ce qu'ils m'ont demandé de lui transmettre. Fekolet, sel Salama. Aïcha l'a dit, à Kurayb, demande à Salama. Aïcha, radiallahu anha, une savante qui mémorise un grand nombre de hadiths, elle dit, demande à Salama. Yufhamu min dhalik. Anna l'ulema yatafawetun. Fekounouna nakoul. Inna rabi'an. وعبيدا أعلم من غيرهم من غيرهما في الفتن والأحزاب والفرق ليس تعنا في غيرهما من العلماء. Et donc Aïcha l'a interrogé, Aïcha lui a dit va voir Salama concernant ce sujet, va voir Salama. On comprend de cela que les savants se distinguent les uns des autres, comme je l'ai déjà dit précédemment. Et le fait de dire que le Cheikh Rabi' et le Cheikh Ubaid sont plus savants, ils connaissent mieux les troubles, les sectes ils connaissent mieux les troubles, les sectes ainsi que les groupes égarés de façon générale. Cela n'est pas une critique envers les autres savants. De la même façon que ceci n'est pas une critique envers Aïcha, de dire que Umm Salama, elle connaissait mieux ce sujet qu'elle. Cela n'est pas une critique envers Aïcha. Et donc on fait attention à cela. À notre époque, les gens qui nous disent « Non, mais vous critiquez les savants. Pourquoi ?» Parce qu'on dit que tel savant connaît mieux tel sujet qu'un autre. Non, ce n'est pas une critique. Ce n'est pas une critique. Ça n'a jamais été une critique. Mais les règles inventées. Mais les règles inventées. « Fakharajtu ilayhim fa'akhbartuhum biqawliha. Faradduni ila Ummi Salama bibithni ma arsaluni bihi ila Aïcha. » Et donc je suis allé les voir. Et je leur ai informé de ce que Aïcha elle a dit. Ils m'ont donc envoyé voir Ummi Salama pour le même sujet avec lequel ils m'ont envoyé voir Aïcha. Fekolet Ummu Salama radiallahu anha. Semi'atu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama yanha anha. Thumma ra'aytuhu yusallihima hina salla al-'asr. Thumma dakhala 'indi niswatun min bani haram min al-ansar. Et donc, Umm Salama, lorsque Kouraybi lui pose la question, elle dit « J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdire l'accomplissement de cette prière. » La prière après l'Asr. La prière surrogatoire après l'Asr. « J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdire l'accomplissement de cette prière. Puis je l'ai vu le faire. Je l'ai vu le faire après avoir prié après avoir prié l'Asr. » Puis il est rentré chez moi, et donc le prophète il a pris l'Asr, il est rentré chez lui pour accomplir cette prière. Et Umm Salama qui nous dit, et il y avait chez moi des femmes parmi Beni Hiram qui font partie des Ansar. Qal Ibn Hajar, min fawaid hadha al-hadith. Ibn Hajar il nous dit, parmi les leçons qu'on peut tirer de ce hadith, ziyaratun nisa. Le fait qu'il ait permis aux femmes de visiter une femme, même si son mari est présent à la maison. Et donc on ne demande pas à l'homme de sortir de la maison s'il n'y a pas de fitna. S'il n'y a pas de fitna et que des femmes viennent visiter une femme, il n'y a pas de mal à ce qu'elle rentre visiter cette femme, même si l'homme est à la maison. Et ensuite elle dit, Umm Salama, lorsqu'elle a vu ça, Allahu Akbar, et là c'est magnifique. Et donc elle a entendu le prophète qui interdit. Et ensuite elle le voit qui le fait, mais il y a des femmes qui sont rentrées chez elle, des invités. Elle dit, fa arsaltu ilayhi al-jariya. Fa qultu qumi bi jambihi. Elle dit donc, je lui ai envoyé une petite. Et je lui ai dit, présente-toi à ses côtés. Mets-toi à ses côtés, aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant qu'il prie. Wa fi hadha ahammiyatu talab al-ilm. Wa anna al-insan la yanbaghi lahu an yamna'a nafsahu min al-istifadati min fa'idatin 'ilmiyya. Il y a en cela l'importance de l'apprentissage de la religion. Et qu'il n'est pas convenable que la personne s'empêche à elle-même de profiter d'une leçon, même s'il y a une occupation. Ibn Hajar, il dit, parmi les leçons de ce hadith, « Tarku tafwiti talabil ilmi wa in tara'a ma yushghilu anhu. » Le fait de délaisser ce qui va empêcher d'étudier la science, même s'il nous arrive quelque chose qui nous distrait de l'apprentissage de la science. Umm Salama, elle était chez elle. Des femmes viennent, des invités. On connaît en islam l'importance des invités, le droit des invités. Il faut s'occuper d'eux. Mais là, elle a vu quelque chose. Le prophète, il nous a interdit de faire cette prière et là, il le fait. Je vais tout de suite envoyer quelqu'un lui poser la question. Je ne peux pas y aller, mais j'envoie quelqu'un lui poser la question. Subhanallah. Ces gens-là, ils aimaient l'ilm. Ils aimaient la science. Et c'est comme cela qu'aujourd'hui, nous profitons d'eux. Combien d'années après leur mort? Combien d'années après leur mort? Car ils ont été sincères envers Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ont accompli les efforts nécessaires pour apprendre leur religion. Même s'il y a quelque chose qui vient te déranger. Souvent, on a toujours des excuses. On a toujours des excuses. Pourquoi tu n'as pas participé? Ma mère, elle avait ci. Mon père, il avait ça. Mes enfants, mon travail, rendez-vous, docteur, ci et ça, et ci et ça. On a toujours une excuse. Toujours. Quand ça concerne le travail chez le patron qui nous attend à 8h du matin, aucune excuse. Aucune excuse. Mais pour Talab al-Ilm, on a toujours une excuse. On doit donc faire des efforts concernant cela, nous corriger et avancer. Comme ils l'ont fait ces gens. Parmi les hommes et les femmes, ils l'ont fait. Nous aussi, on peut le faire. Inch'Allah ta'ala. Et donc ensuite, Ummu Salama, elle dit à cette petite, « Fakouli lahu. Takoulu laka Ummu Salama, ya Rasulallah, sami'atuka tanha an hatayn wa araka tusallihima. Fa'in ashara biyadihi fasta'khiri anhu. Fafa'alat al-jariyatu fa'ashara biyadihi fasta'kharat anhu. » Et donc, elle dit, Umm Salama à la petite enfant, elle lui dit, alors dis-lui, dis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Umm Salama te dit, ô messager d'Allah, donc dis-lui pendant qu'il prie, attention, dis-lui pendant qu'il prie, dis-lui, Umm Salama te dit, ô messager d'Allah, nous t'avons, je t'ai entendu, interdire ces deux-là, c'est-à-dire ces deux unités de prière que tu fais. Et je te vois les accomplir, je te vois les prier. Le prophète, et elle dit, Ummu Salama, elle dit à l'enfant, et si il te fait un signe de la main, alors recule-toi. Donc tu lui transmets le message, et s'il te fait un signe de la main, alors recule-toi. Alors là, la petite, elle est allée, elle l'a fait. Elle a transmis le message. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a fait un signe de la main, elle a reculé. Elle a reculé, la petite. Wa fihi karahiyatu al-qurbu min al-musalli li ghayri ad-darura. Il y a en cela le fait qu'il est détestable de venir près de celui qui prie pendant de venir près de celui qui prie sauf pour une nécessité. Parce que Ummu Salama lui dit, alors recule-toi. S'il te fait un signe de la main, ne reste pas, recule-toi. Afin de ne pas le déranger pendant sa prière. فَلَمَّا نْصَرَفَ قَالَ يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَإِنَّهُ أَتَانِ نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fini de prier les deux unités après l'asr, il est allé voir Ummu Salama et lui a dit, oh bintu Abi Umayya. Bintu Abi Umayya, c'est, et donc c'est Ummu Salama. Et donc il lui dit, tu m'as interrogé. Attention, il lui dit, tu m'as interrogé concernant les deux unités de prière que j'ai accomplies après l'Asr. Alors certes, des gens de Abdul Qais sont venus me voir et ils m'ont occupé. Ils m'ont occupé et m'ont empêché d'accomplir ces deux unités de prière que je faisais après Dhuhr. Ils m'ont empêché d'accomplir les deux unités de prière que je faisais après Dhuhr. Et donc ce sont ces deux-là. C'est-à-dire je les ai rattrapés. Je les ai rattrapés. فَفِيهِ جَوَازُ الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ وَالْإِسْتِمَاعُ إِلَى كَلَامِ الْمُتَكَلِّمِ وَفَهْمِهِ وَأَنَّ هَذَا لَا يُبْتِلُ الصَّلَاةِ. Il y a en cela la permission de faire un signe de la main, de faire un signe, que ce soit de la main ou de la tête. On le verra par la suite. Il y a en cela la permission de faire un signe pendant la prière et d'écouter celui qui nous parle. D'écouter celui qui nous parle pendant qu'on prie et de comprendre ce qu'il nous dit et que cela n'annule pas la prière. Pourquoi ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un signe à la petite, mais il a écouté et a compris ce qu'elle a dit. Parce qu'après, il est allé voir Ummu Salama et il lui a répondu. Tu m'as interrogé concernant ceci et cela, il lui a répondu. Donc il a écouté, yarhamukallah, il a écouté, il a compris et donc, et cela n'a pas annulé sa prière. Il ne l'a pas refait par la suite. أما الركعتان بعد العصر ففي الحديث ففي هذا الحديث دليل على أن الإنسان إن فاتته صلاة من النوافل وعلم ذلك بعد العصر فيجوز له أن يقضي ذلك بعد العصر. Et donc il y a dans ce hadith une preuve qui montre que la personne, si elle n'a pas pu accomplir une prière surérogatoire comme les prières après Dhuhr ou avant Dhuhr ou autre. Certains savants disent même d'autres prières d'avant. Il dit, tu n'as pas pu l'accomplir avant cela. Tu ne te rappelles qu'après l'Asar, tu peux le rattraper après l'Asar. Tu peux le rattraper après l'Asar. Cela est une preuve que tu peux rattraper tes prières surrogatoires que tu as manquées avant. Tu peux les rattraper après l'Asar. Wa aidan. قال بعض اهل العلم بوجود الصلاه النافله بعد العصر. Certains savants, ils ont dit qu'il y a une prière surérogatoire après l'Asr. Ils ont dit que c'est une sunna. Prière surérogatoire après l'Asr. وانكر ذلك جمع من الائمه ومنهم الامام النباز رحمه الله. Et il y a beaucoup d'imams de la communauté qui ont rejeté cela, le fait de dire qu'il y a une sunna après l'Asr. Pourquoi? Parce que le prophète, il l'a pas fait qu'une fois. Il ne l'a pas fait qu'une fois. Ici, Ummu Salama, elle nous dit qu'il l'a rattrapé. Mais il ne l'a pas fait qu'une fois. Donc certains ont dit que ceci est une sunna. Ceci est une sunna. Ibn Baz, le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il contredit cela. Il n'est pas seul, comme je l'ai cité, il y a beaucoup d'imams de la communauté qui l'ont rejeté. Pourquoi? Quelle est la preuve qui nous montre qu'il n'y a pas de sunna après l'Asr? Que ce n'est pas une sunna. Le hadith de Aïcha dans Sahih Muslim. عائشة كي نودي لما نعم قالت عائشة لما سئلت عن الركعتين اللتين صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر قالت كان يصليهما قبل العصر فشغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتها وكان إذا صلى صلاة أثبتها. Et donc Aïcha, lorsqu'elle a été interrogée concernant les deux unités de prière que le prophète a accompli après l'Asr, elle a dit à Aïcha, le prophète, il le faisait avant l'Asr. Il le faisait avant l'Asr. Cependant, un jour, il a eu un empêchement. Il a eu un empêchement où il a oublié. Alors il l'a rattrapé après l'Asr. Puis, il a continué comme cela. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait une prière, alors il continuait à l'accomplir tout le temps. Il ne délaissait pas une prière qu'il a commencé à faire. D'accord? Et ça, c'est spécifique au prophète. Le fait de ne pas délaisser une prière qu'il a commencé à faire. Un jour, il a été occupé. Il a dû la rattraper. Il est resté, il a continué. Et ça, c'est spécifique au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Babou le chapitre concernant le fait de faire des signes durant la prière. Ici, à la page 50, chez vous, il est cité juste le chapitre. Mais après cela, dans le livre, dans le Sahih al-Bukhari, il dit « Qalahu Quraib an ummi Salama an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ». Il dit donc, al-Bukhari, « Quraib l'a cité selon Ummu Salama, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam ». Mais ce n'est pas marqué sur le manuel que nous avons ici. Et ensuite, après cela, il dit, Al-Bukhari, qala haddathana Qutayba ibn Sa'id, qala haddathana Ya'qub ibn Abdurrahman, an Abi Hazim, an Sahal ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam balaghahu anna bani Amr ibn Auf kana baynahum shay'un fa kharaja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam يصلح بينهم في أناس معه الله أكبر. Et donc il nous dit Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été rapporté que Beni Amr ibn Auf, il y avait parmi eux un conflit. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti, il est allé vers eux afin de les réconcilier. Et il y avait avec lui des gens. Ya ikhwa, yufhamu min hadha ahammiyatu sulh fil islam. L'importance de la réconciliation et du délaissement des conflits en islam. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum. Certes, les croyants sont des frères. Alors, réconciliez. Faites en sorte que vos frères se réconcilient. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Il nous dit Allah donc, selon le sens rapproché de la traduction, craignez Allah et arrangez ce qu'il y a entre vous. Et obéissez à Allah et à son messager si vous êtes croyant. Et obéissez à Allah et à son messager si vous êtes croyant. Délaissez les conflits qu'il peut y avoir parmi vous. Akhraj at-Tirmidhi an Abi Darda anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. At-Tirmidhi, il a cité un hadith dans son recueil selon Abu Darda que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit: puis-je vous informer de ce qui est mieux que la prière, que le jeûne et que l'aumône? De ce qui est mieux que la prière, que le jeûne et que l'aumône. Ils ont dit: belle, bien sûr, ô messager d'Allah, informe-nous. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: Salahu dhatil bayn, arrangez les conflits qu'il y a entre les gens. Arrangez les conflits qu'il y a entre les gens. Et ensuite il dit: Fa inna fasada dhatil bayn hiya al-halika. Car le fait de corrompre la relation qu'il y a entre les gens, ceci est al-halika. Al-halika, c'est ce qui rase. Ce qui rase. Les savants, ils ont expliqué cela en disant al-halika allati tahliqu ad-din kama tahliq kama yuhlaq ash-sha'r bil mousa. Ils ont dit al-halika, c'est celle qui va raser la religion de la même façon que les cheveux sont rasés par la lame, que les poils sont rasés par la lame. Et donc notre religion, mes frères, nous appelle à l'ijtima', à l'union. S'il y a des conflits parmi les gens, nous devons tout faire pour les réunir. Nous devons tout faire pour les réunir. Ensuite, il nous dit donc, Quraib, excusez-moi, Sa'd ibn Sa'd, il nous dit, فَحُبِسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَتِ الصَّلَاتِ فَجَاءَ بِلَالٌ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالْ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حُبِسْ وَقَدْ حَانَتِ الصَّلَاتِ فَهَلْ لَكَ أَنْتَ أُمَّ النَّاسِ. Et donc il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tardé. Il est allé pour réconcilier des gens. Il a tardé et l'heure de la prière est arrivée. Alors Bilal, il a dit, oh Abi Bakr, certes le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tardé et l'heure de la prière est arrivée. Est-ce que tu peux prier avec les gens? Abu Bakr, il a répondu, na'am in shi't, bien sûr, si tu veux. فأقام بلال بلال إلى فليكما وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس. Alors à ce moment-là, Abu Bakr, il s'est avancé et il a fait le takbir pour les gens, pour la prière. فيه أن الإمام إذا تأخر وخيف أن يترتب على ذلك ضرر فللناس أن يصلوا مع نائبه. Il y a en cela le fait que l'imam, s'il est en retard et que on craint qu'il y ait un mal, ou qu'on craint qu'il y ait quelque chose qui nous touche à cause de ce retard, alors à ce moment-là, nous pouvons prier avec son remplaçant. À ce moment-là, nous pouvons prier avec son remplaçant. وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ فَأَخَذَ النَّاسُ بِالتَّصْفِيقِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لا يلتفت في صلاته فلما اكثر الناس التفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره ان يصلي. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Abu Bakr s'est avancé et qu'il a fait le takbir, il a commencé la prière. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, il a marché jusqu'à ce qu'il se place dans les rangs. Alors là, les gens ont commencé à faire at-tasfiq. Ils ont commencé à applaudir pour prévenir Abu Bakr. Le prophète, il est là. Et Abu Bakr, il ne se détournait pas, même si les gens applaudissaient. Jusqu'à ce qu'il a vu que les gens ont insisté. Alors, il s'est quelque peu détourné et il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, lorsqu'il a vu que Abu Bakr l'a vu, il a fait un signe. Il a fait un signe, sallallahu alayhi wa sallam, ordonnant à Abu Bakr de prier. Dans d'autres versions, c'est marqué, il lui a fait un signe, un mekanek, de rester à ta place. Reste à ta place. Zakar al-ulama, et donc ici, est-ce qu'on peut utiliser cela comme preuve? Parce que ce chapitre-là, c'est le chapitre lié au signe pendant la prière. le chapitre lié au signe pendant la prière. Mais il y a un problème, c'est que les ulama, ils nous disent que lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ce signe, il n'avait pas commencé à prier. Il n'avait pas commencé à prier. Il y a certaines narrations qui montrent que le prophète, il n'avait pas encore commencé à prier. Il s'était mis dans les rangs, mais lui n'avait pas encore commencé à prier. Et donc, ils disent qu'on ne peut pas utiliser ce hadith comme preuve pour montrer qu'on peut faire un signe pendant la prière. Mais comme on l'a déjà vu précédemment, il y a plusieurs hadiths qui le montrent, et on va voir justement deux autres hadiths après, qui sont beaucoup moins longs que celui-là, et dans lesquels on voit un signe pendant la prière. فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق إنما التصفيق للنساء من نابه شيء في صلاته فليقول سبحان الله. Et donc Abu Bakr, lorsqu'il a vu ça, il est revenu. Lorsqu'il a vu donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a levé les mains et a loué Allah. Il a levé les mains et a loué Allah. Puis il est revenu en marche arrière jusqu'à ce qu'il se place dans les rangs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est alors avancé et a accompli la prière pour les gens. Lorsqu'il a fini d'accomplir la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné vers les gens et a dit « Oh gens, qu'est-ce qu'il vous a pris lorsque quelque chose vous touche, lorsque quelque chose vous arrive durant la prière, d'applaudir ?» Pourquoi est-ce que vous applaudissez lorsque quelque chose vous arrive durant la prière ? Certes, l'applaudissement est pour les femmes. Alors, celui qu'il lui arrive quelque chose pendant la prière, alors qu'ils disent « Subhanallah ». L'imam, il a oublié quelque chose, tu dis « Subhanallah », tu ne vas pas applaudir. Yustafadu min dhalika tahrimu tasfiq fi salati rijal. On comprend de cela l'interdiction d'applaudir pendant la prière pour les hommes. Wat tasfiq la yubtilu salat, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بإعادة الصلاة. Et l'applaudissement ne va pas annuler la prière, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas ordonné de refaire la prière. Il y a aussi dans cela une question. Quel est le jugement quant au fait que l'homme applaudisse à un autre moment que durant la prière? Est-ce qu'un homme il peut applaudir à l'extérieur de la prière? Comme par exemple ce qu'on voit dans des réunions où quelqu'un va dire une belle parole, les gens vont se mettre à applaudir ou autre. لا يجوز. قال بعض العلماء شيخ ابن عثيمين يقول c'est permis. شيخ ابن عثيمين يقول c'est permis. Il dit l'interdiction elle est venue pendant la prière. Elle est venue pendant la prière. Et donc à l'extérieur ça n'est pas, il n'y a pas de mal. Et d'autres savants comme Cheikh Al-Fawzan hafizahullah, il dit que cela est interdit même à l'extérieur de la prière. Il dit si les hommes il leur a été interdit d'applaudir pendant la prière pour prévenir l'imam d'une erreur pendant la prière, alors que dire de l'extérieur? Que devons-nous dire à l'extérieur de la prière? Et donc le mieux est de délaisser tout cela. Alhamdulillah, tu n'as pas besoin d'applaudir. Délaisse tout cela. Incha'Allahu ta'ala. Et ensuite, pour finir dans ce hadith, il nous dit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue en disant فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِينَ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ إِلَّا الْتَفَتَ. Il dit donc, dites Subhanallah, car il n'y a personne qui l'entend, lorsqu'il entend Subhanallah, sans qu'il se retourne. يَا أَبَا بَكْرِ مَا مَنَعَكَ أَن تُصَلِيَ لِلنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكِ. Oh Abu Bakr, qu'est-ce qui t'a empêché de prier pour les gens, de prier avec les gens, lorsque je t'ai montré de prier? Abu Bakr, il a répondu en disant, radiallahu anhu, mais kana yanbaghi libni abi kuhafa an yusalli bayna yadayi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, il ne convient pas à Ibn Abi Kuhafa, c'est Abu Bakr, il ne convient pas à Abu Bakr de diriger la prière alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est là. Il y a en cela donc les mérites de cet homme Abu Bakr, le meilleur des compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui dit de rester, de diriger la prière, le prophète il est vivant encore. Ce qui nous montre, ça, les savants, ils ont dit, cela fait partie des choses qui montrent là, le fait que c'est Abu Bakr qui devait prendre le commandement après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça qui s'est passé. Et donc, cet homme était le meilleur de cette communauté après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit l'imam al-Bukhari, il dit « Wa haddathana Yahya ibn Sulayman, qu'ole haddathani ibn Wahb, qu'ole haddathana al-Thawri, an Hisham, an Fatima, an Asma. » قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي قائمة والناس قيام فقلت ما شأن الناس فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية فقالت برأسها أي نعم. Et donc Al-Bukhari rahimahullah, il cite la chaîne de transmission, le hadith il est muttafaqun alayh, rapporté dans le recueil de Al-Bukhari wa Muslim, chaîne de transmission jusqu'à Asma qui dit, je suis rentré chez Aïcha radiallahu anha, auprès d'Aïcha radiallahu anha, alors qu'elle priait debout, et les gens aussi, ils priaient. Alors je lui ai dit, mais sha'nun nas, que font les gens? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que c'est que cette prière? Parce que c'était, les gens, ils priaient à ce moment-là par rapport à l'éclipse. Et donc, Aïcha, elle priait et elle lui a posé une question. فَيُفْعَمُ مِنْ دَلِكَ جَوَازُ سُؤَلِ الْمُصَلِّ عِنْدَ الْحَاجَةِ. On comprend de cela la permission de poser une question à une personne qui prie pendant la prière. Pendant qu'il prie. C'est-à-dire qu'un jour, tu es à la mosquée, tu es en train de prier après l'Asar. Ou du moins, on va dire, oui, tu es en train de prier après Dhuhr. On va sortir des divergences. Tu es en train de prier après Dhuhr. T'es tout seul dans la mosquée. Il y a une personne qui vient, qui pensait que c'était l'heure de la prière, et il trouve personne. Comment ça se fait? Il n'y a personne, il n'y a aucune voiture. Il vient à côté de toi. Yahi, vous avez déjà prié? Ne va pas arrêter ta prière, t'énerver contre lui. Comment se fait-il que tu me parles? Je suis en train de prier. Auzubillah, Shaitan, il a trouvé personne autre que toi, etc., etc. Tu fais un signe. Tu lui fais un signe, et après, puisque il n'y a pas d'interdiction par rapport à cela, lors d'un besoin. Et souvent, des gens, parfois, on s'énerve sur certains sujets par ignorance, on ne sait pas. Après, on te ramène le hadith, on te dit, regarde ce qui s'est passé. Tu fais, ah mince, je me suis énervé sur le frère, je lui ai dit, alors que, Allah musta'an. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait, Aïcha? Elle a fait un signe de la tête vers le ciel. Alors, Asma lui a dit, Aya. Et donc, un signe, il y a eu un signe, il y a quelque chose. Alors Aïcha, radiallahu anha, elle a fait un signe de la tête. Naam, oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait? C'était l'éclipse. Il y avait donc l'éclipse. Et ce hadith, comme vous pouvez le comprendre, il est lié. Ici, Al-Bukhari, on a vu que Al-Bukhari, parfois, il va citer un hadith plusieurs fois. Ce hadith, il a été cité concernant la prière liée à l'éclipse, mais il l'a cité ici aussi par rapport au signe pendant la prière, le fait de faire un signe pendant la prière. Nous, on se suffit de cette explication concernant le signe, et concernant la prière de l'éclipse, bi'idhnillah, ça sera un autre moment. On ne va pas rentrer dans les divergences liées à la prière de l'éclipse. On passe donc au dernier hadith du chapitre. Et d'ailleurs, Ibn Hajar, lorsqu'il a expliqué Sahih al-Bukhari, j'ai vu, il a fait la même chose par rapport à ces deux derniers hadiths. Le premier hadith, donc le hadith qu'on a vu qui est lié à l'éclipse, il ne l'a pas expliqué, mais il a dit, il a été expliqué à un autre moment, à un autre passage, parce que ce n'est pas le sujet du chapitre. Et donc là, on fait la même chose. Al-Bukhari, le dernier hadith, il nous dit, Haddathana Ismail, qu'ole haddathana Malik, an Hisham, an Abi, an Aisha radiallahu anha, zawjin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, annaha qalat, salla Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi baytihi wa huwa shakin jalisan. وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليه من اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فركعه وإذا رفع فارفعه. Et donc l'imam al-Bukhari nous cite ce hadith toujours dans Sahihayn selon Aïcha radiallahu anha qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il priait chez lui. Il était Donc, il était donc malade. Il se plaignait d'une forte douleur. Il n'est donc pas sorti pour prier dans la mosquée. Mais lui, il était chez lui. Il était chez lui, mais de chez lui, les gens qui étaient à la mosquée le voyaient normalement. Et donc, il pouvait prier derrière lui. Il priait assis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les gens derrière lui priaient debout. Alors il leur a fait un signe, un ijlisou, asseyez-vous, asseyez-vous. Alors que le fait de prier debout fait partie des sunnah, piliers, obligations, piliers de la prière. Le fait de prier debout fait partie donc des piliers de cette prière. Là, le prophète, il leur a dit de s'asseoir. Ils se sont donc assis, et lorsqu'il a fini de prier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, certes, l'imam a été placé pour être suivi, alors lorsqu'il fait l'inclinaison, recours, alors faites le recours, et lorsqu'il se lève, alors levez-vous. Le hadith. Et là, Al-Bukhari, il a cité une partie du hadith. Nous, ce qui nous concerne dans ce hadith, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un signe de la main pour leur dire, asseyez-vous. On voit ici la permission quant au fait de faire un signe de la main. Concernant la divergence de l'imam, lorsqu'il prie assis, est-ce qu'on peut prier debout derrière lui? C'est une grosse divergence parmi les ulama. Pourquoi? Ici, vous voyez qu'il y a la permission, mais il y a un autre hadith qui s'est produit à la fin de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, durant lequel le prophète il a permis aux compagnons de prier debout derrière lui alors qu'il priait assis. Cela a créé une divergence entre les savants. Est-ce que ça a été abrogé? Est-ce que c'est tu peux prier assis? Est-ce que tu peux prier debout lorsque l'imam il est assis? Etc. C'est une grosse divergence. Et nous, bi'idhnillah, on va aborder ce sujet un autre jour. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous accorde la réussite. J'ai une question concernant si on arrive en retard à la prière. Naam. Avant le salam. Oui. D'accord. Est-ce que nous, on fait deux soujoud avec l'imam? Oui, obligatoire. Et est-ce qu'après la prière, on doit faire deux soujoud, étant donné qu'on a rajouté quelque chose à ce Non. Tu fais deux soujoud avec l'imam parce que tu le suis. Là, il t'est obligatoire de le suivre. Mais après ta prière, tu ne rajoutes rien du tout. D'accord? Wafakallahu al-jamia. Jazakumullahu khairan.